frit sur le bif. Écoutez. Tu as bien précisé à Olivier l'heure à laquelle nous passions le prendre. Évidemment que je lui ai dit. Je ne suis pas complètement fou. Pourtant, ça me paraît évident qu'il n'est pas chez lui. S'il n'est pas là, c'est qu'il a eu un empêchement, voilà tout. Je n'aime pas le ton sur lequel tu me parles. Moi non plus. Avec toi, j'ai toujours tort. Répétez. Tu as bien précisé à Olivier l'heure à laquelle nous passions le prendre. Évidemment que je lui ai dit. Je ne suis pas complètement fou. Pourtant, ça me paraît évident qu'il n'est pas chez lui. S'il n'est pas là, c'est qu'il a eu un empêchement, voilà tout. Je n'aime pas le ton sur lequel tu me parles. Moi non plus. Avec toi, j'ai toujours tort. Écoutez. Monsieur, je vous rapporte ce briquet. Je l'ai acheté chez vous et il ne marche pas. Il est encore sous garantie ? Bien sûr, je l'ai acheté la semaine dernière. Vous êtes sûr qu'il y a encore du gaz ? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est évident. Vous avez raison. De toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose dont je ne m'explique pas la cause. Nous allons le renvoyer à la maison. Et vous m'en donnez un autre à la place ? Évidemment, monsieur. Je tiens à ma clientèle. Répétez. Monsieur, je vous rapporte ce briquet. Je l'ai acheté chez vous et il ne marche pas. Il est encore sous garantie ? Bien sûr, je l'ai acheté la semaine dernière. Vous êtes sûr qu'il y a encore du gaz ? C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est évident. Vous avez raison. De toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose dont je ne m'explique pas la cause. Nous allons le renvoyer à la maison. Et vous m'en donnez un autre à la place. Évidemment, monsieur. Je tiens à ma clientèle.